touche en bas de chez toi. Toute blessure se soigne. Toute blessure se soigne. Je suis toujours en bas de mon bloc. Pour passer le temps, je vends de la drogue. Je fais la fête, je bois de l'alcool. Plus jamais je redeviens paye. Bébé, je suis un loup de la zone. J'ai commis des délits, mais je merci. J'ai enchaîné que des cartons jaunes. J'ai enchaîné que des cartons jaunes. Je me suis perdu dans les bras d'une autre. J'étais débile, entouré de bad bitch qui ne voyait que l'argent. Sans savoir quel âge j'ai. Tu vois d'amis, je pense à toi. Je suis dans les bras d'une autre. J'ai des ennuis, ça te rend malade pendant que je recompte le lot. Si mon avenir se résume à toi, seras-tu à la hauteur? Ici bas, c'est qu'éphémère, on se revoit tout là-haut. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Dans le noir. Me noter pour la vie près de moi. Tu resteras ma lumière dans le noir. J'ai pris peur, j'ai menti, m'en veux pas. M'éloigner de ton cœur, je veux pas te cacher, faut pas trop s'attacher. J'ai du sang sur les mains, j'ai beau taffer. Son bon cas j'ai cassé, sur l'argent qu'on a fait. J'ai posé la question, seras-tu la même si c'était la haisse? Son cœur est ma maison, et tout ton corps en feront les pièces. Où est mon bâtiment? Où est mon bâtiment? J'ai perdu mon cœur sur la route, perdu mon cœur sur la route. Qui va te passer l'anneau? Perdu mon cœur dans les bras d'une autre. Perdu mon cœur dans les bras d'une autre. Perdu mon cœur sur la route, perdu mon cœur sur la route. J'ai pas d'envie, je pense à toi, je suis dans les bras d'une autre. J'ai des ennuis, ça te rend malade pendant que je recompte les lots. Si mon avenir se résume à toi, seras-tu à la hauteur? Ici bas, c'est qu'éphémère, on se revoit tout là-haut. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même. Viens, on le fait quand même.